J'avais déjà posé l'an dernier sur le même sujet. Forcé de constater que les choses n'ont pas bougé. Mieux vaut deux fois qu'une, ce rap toujours d'actualité. Les sans-abri souffrent et toi tu n'en as même pas idée. C'est avec Amri que je viens poser ma plume. Du cœur sortent nos rimes pour t'ouvrir les yeux dans la brume. Ils sont des milliers sur la cime de l'amertume. Ils n'ont pas commis de crime mais supportent le poids de l'enclume. Donc tout rond je repose ces quelques couplets que certains connaissent, d'autres font mine d'ignorer. Dis-moi comment peut-on vivre ainsi, marcher sans but précis. Toutes les journées se ressemblent et ta vision se rétrécit. Noyé dans l'alcool, des millions de soucis. Cette vie inspire le dégoût, la révolte, la compréhension. Comment rester debout en sachant que ce soir tu dormiras sur du béton. Ta vie dépend seulement de ce bout de carton. Pourquoi toi et pas un autre, t'arrives pas à te faire une raison. À peine à trouver un peu de force pour espérer des jours meilleurs. Mais malheureusement t'en vois pas la couleur. Assis sur le trottoir, tu comptes les heures. Soudain une lueur d'espoir te fait entrevoir le bonheur. Ça t'arrive souvent, mais là t'aimerais y croire. Tu sais ce qu'il reste à faire pour atteindre le bout du couloir. Jette à la mer cette bouteille qui te rend la vie noire. La vie sera peut-être meilleure si t'arrêtes de boire. Mais pour ça, il faut s'armer de patience. Ne baisse pas les bras, c'est preuve de persévérance. C'est dur de regarder les autres sans mettre plein la panse. Plus grande est la souffrance, plus belle sera la récompense. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Échapper, chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Entre deux vies, on explose. Entre deux vies, on implose. Entre deux vies, on s'explose. Voilà pourquoi la cause et Amri sont venus défendre leur cause. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Échapper, chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Entre deux vies, on explose. Entre deux vies, on implose. Entre deux vies, on s'explose. Voilà pourquoi la cause et Amri sont venus défendre leur cause. Donnez-moi la chance, les aider, donnez-leur la chance. Nous sommes tous responsables. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Échapper, chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Entre deux vies, on explose. Entre deux vies, on implose. Entre deux vies, on s'explose. Voilà pourquoi la cause et Amri sont venus défendre leur cause. On n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Échapper, chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Entre deux vies, on explose. Entre deux vies, on implose. Entre deux vies, on s'explose. Voilà pourquoi la cause et Amri sont venus défendre leur cause. Je peux pas rester sans réaction lorsque je vois des gens sujets à tant de frustration. Ils sont comme dans les couloirs de la mort, attendant le peloton d'exécution. Mais est-ce la même lorsqu'on est une femme? Encore pire avec un monde à élever sans ressources. La tentation est énorme de tenter le vol ou plonger dans le rhum. Peu d'issue pour les gens de la rue dans cette France, patrie des droits de l'homme. On ferme les yeux devant cette misère immense. La solitude est intense, l'estomac tiraille devant cette si grande carence alimentaire. Manger c'est sémentaire quand l'esprit déraille et commence à faire penser qu'il est temps de passer la frontière de la vie. Des milliers d'SDF désespèrent, prient le Saint-Père tous les soirs qu'il les sorte de ce trou noir. Cette vie à sens unique, j'aimerais te barrer au plus vite. Car on n'a qu'une vie et elle est unique. On n'a qu'une vie et elle est unique. On n'a qu'une vie. Et elle est unique. Je dédie ce morceau à tous les FDF, victimes des accidents de la vie, seul à faire la manche sur le pavé, entre deux nuits, entre deux froids, entre deux pluies, entre deux vies.